Chapitre 14. On passe la frontière. Le jour vint, il fallut se lever. Chacun était plus ou moins fatigué de sa nuit, excepté les enfants qui dorment toujours bien partout, et Natacha, qui, sous ce rapport, malgré ses 16 ans, faisait encore partie de l'enfance. Les toilettes furent bientôt faites, on se réunit pour déjeuner. Dérigny avait préparé le thé et café, selon le goût de chacun. Le général était sombre. Il avait embrassé nièces et neveux et serré la main à son ami Romane. Mais il n'avait pas parlé et il gardait encore un silence absolu. « Grand-père, » disait Natacha en souriant. Le général parut surpris et touché. « Grand-père, voulez-vous venir avec nous à la place de Madame Dérigny dans la seconde voiture ?»« Comment veux-tu que je tienne en 6e ?» dit le général, se déridant tout à fait. Natacha. « Oh, j'arrangerai cela, grand-père. Je vous mettrai au fond, moi, près de vous. » « Et puis, que ferais-tu des 4 gamins ?»« Tous en face de nous, grand-père. Ce serait très amusant. Nous verrions tout ce qu'ils feraient, et nous ririons comme hier, et nous vous ferions chanter avec nous. C'est ça qui serait amusant. » Le général se trouva complètement vaincu. Il partit d'un éclat de rire. Toute la table fit comme lui. Le général, prenant une leçon et chantant, parut à tous une idée si extravagante que le déjeuner fut interrompu et qu'on fut assez longtemps avant de pouvoir arrêter les élans d'une gaieté folle. Natacha était tombée sur l'épaule de sa mère. Alexandre se trouvait appuyé sur Natacha et Michel avait la tête sur les reins de son frère. Madame d'Abrevine soutenait le général, qui perdait son équilibre, et Romane le maintenait du côté opposé. Dérigny, debout derrière, tenait fortement la chaise du général. Tout a une fin, la gaieté comme la tristesse. Les rires se calmèrent, chacun reprit son déjeuner refroidi et chercha à gagner le temps perdu en avalant à la hâte ce qui restait de sa portion. « Les chevaux sont mis, mon général, » vint annoncer Dérigny quand tout le monde eut fini. On courut au manteau, au chapeau, et en quelques instants on fut prêt. Le général passa le premier. Sa nièce et les enfants suivaient. Romane était un peu en arrière. Il se sentit arrêté par le bras, se retourna et vit la femme qu'il avait reconnue la veille, tenant à la main un pain semblable à celui qu'il avait reçu d'elle 3 ans auparavant. Elle le lui présenta, lui serra la main et lui dit en polonais « Prends au retour ce que je t'avais donné en allant. Que Dieu te protège et te fasse passer la frontière sans être repris par nos cruels ennemis. Ne crains rien, je ne te trahirai pas. » Romane. « Comment t'appelles-tu, chère et généreuse compatriote, afin que je mette ton nom dans mes prières ?»« Je m'appelle Maria Feniska. Et toi ?»« Prince Roman Pajarski. » »« Que Dieu te bénisse. Ton nom était déjà venu jusqu'à moi. Laisse-moi baiser la main de celui qui a voulu affranchir la patrie. » Romane releva Maria, demi-agenouillée devant lui, et, la prenant dans ses bras, il l'embrassa affectueusement sur les 2 joues. « Adieu, Maria Feniska, je ne t'oublierai pas. Silence, on vient. » Maria s'échappa et rentra dans la maison. Elle n'y trouva personne. Tout le monde était dans la rue pour assister au départ des voyageurs. Romane monta dans la berline du général et de Madame d'Abrevine. Natacha avait voulu y monter aussi, mais on l'avait renvoyée. Le général. « Va-t'en rire là-bas, mon enfant. Tu t'accommodes mieux de leur gaieté que de notre gravité. »« Mais vous allez vous ennuyer sans moi. »« Tiens, quel orgueil à mademoiselle. Tu me crois donc si ennuyeux que ta mère et Jackson ne puissent se passer de toi ?» et que ta mère et Jackson ne soient pas capables de me faire oublier ton absence ? Va, va, orgueilleuse, je te mets en pénitence jusqu'au dîner. » Natacha. « Pas avant de vous avoir embrassé, grand-père, et maman aussi. Adieu, monsieur Jackson. Amusez-vous bien, grand. Ah, mon Dieu, qu'avez-vous ? Regardez, grand-père. » « Silence, pour Dieu, silence !» lui dit Jackson à voix basse, en lui serrant la main l'écrasée. « Aïe !» s'écria Natacha. « Natalia Dimitrievna s'est fait mal ?» demanda le feltiègre qui approchait. « Non, oui, je me suis cogné la main, ce ne sera rien. » Et Natacha s'éloigna, étonnée et pensive, pendant que Romane prenait la place en face de ses amis et gardait le silence, de peur que le feltiègre n'entendît quelques mots de la conversation. Le général et Madame d'Abreville interrogeaient Romane du regard. Profitant des chaos de la voiture, il réussit à expliquer, en quelques mots, la cause de sa pâleur et de son trouble. Le général fut inquiet de la mémoire extraordinaire de cette femme. D'autres pouvaient également reconnaître Romane, et il résolut de ne plus coucher et de voyager jour et nuit jusqu'au-delà de la frontière russe. Quand on s'arrêta pour déjeuner, le général alla se promener sur la grande route avec sa nièce et Romane, pendant que les quatre garçons et Natacha allaient en avant et jouaient à toutes sortes de jeux. Romane put enfin raconter en détail ce qui lui était arrivé à la première couchée, et le général leur fit part de sa résolution de voyager jour et nuit et de s'arrêter le moins possible. Madame d'Abreville devait se plaindre tout haut devant le feltiègre de la fatigue de la dernière nuit. Romane ferait des représentations sur les inconvénients bien plus grands d'un voyage trop précipité. Le général trancherait la question en disant que la santé de sa nièce passait avant tout, et, pour mettre le feltiègre dans ses intérêts, il lui dirait que, vu la fatigue plus grande qu'il aurait à supporter, il lui paierait les nuits comme double journée. Tout se passa pour le mieux du monde. La discussion commença à déjeuner. Le général fit semblant de se fâcher. Romane dit qu'il n'avait qu'à obéir. Le feltiègre fut content de ce nouvel arrangement qui rendait ses nuits plus favorables que ses journées. Natacha et les enfants furent enchantés de voyager de nuit. Les d'Hérigny partagèrent leur satisfaction parce qu'ils arriveraient plus tôt au bout de leur voyage et parce que le général avait trouvé moyen d'expliquer à d'Hérigny pourquoi il se pressait tant. Au relais du soir, on dîna, chacun s'arrangea pour passer la nuit le plus commodément possible. Romane était montée dans la berline de ses élèves, cédant sa place à Madame d'Hérigny. On fit aux femmes et aux enfants une distribution d'oreillers, Natacha reprit sa place dans la berline de sa mère et de son oncle, et commença, avec ce dernier, une conversation aussi gaie qu'animée pour lui faire accepter son oreiller qui la gênait, disait-elle, horriblement. « Si vous persistez à me refuser, grand-père, je ne vous appellerai plus que mon oncle, et je donnerai mon oreiller au feltiègre. » Cette menace fit son effet. Le général prit l'oreiller, que Natacha lui arrangea très confortablement. « Là, à présent, grand-père, bonsoir, dormez bien. Bonsoir, maman, bonne nuit. » Natacha se rejeta dans son coin et ne tarda pas à s'endormir. Ses compagnons de route en firent autant. Dans l'autre berline, on commença par se jeter des oreillers à la tête et par rire comme la veille. Mais le sommeil finit par fermer les yeux des plus jeunes, puis des plus grands, puis enfin ceux de Romane. De cette voiture comme de la première, on ne sortit pas le plus léger bruit jusqu'au lendemain. On ne commença à s'y remuer que lorsque les voitures s'arrêtèrent et qu'un mouvement bruyant à l'extérieur tira les voyageurs de leur sommeil. Le soleil brillait déjà et réchauffait le pauvre d'Hérigny, engourdi par le froid de la nuit. Natacha baissa la glace, mit la tête à la portière et vit qu'on était à la porte d'une auberge. Le feltiègre était à la portière, attendant les ordres du général, qui ronflait encore. « Où sommes-nous? Que demandez-vous, feltiègre ?» dit Natacha à voix basse et avec son aimable sourire. Le feltiègre. « Natalia Dmitrievna, je voudrais savoir si on s'arrête ici pour prendre le café et se reposer un instant. » « Moi, je ne demande pas mieux. J'ai faim et j'ai les jambes fatiguées. Mais mon oncle et maman dorment. Madame d'Hérigny... Ah, voici Monsieur Jackson. Faut-il descendre, qu'en pensez-vous ? » Jackson. « Si vous êtes fatiguée, mademoiselle, et si vous avez faim, la question est décidée. » « Il ne faut pas penser à moi. Il faut penser à mon oncle et à maman. » Pour toute réponse, Jackson passa son bras par la glace baissée et poussa légèrement le général qui s'éveilla. Natacha. « Pourquoi éveillez-vous, grand-père? C'est mal à vous, monsieur Jackson. Très mal. » Le général parut surpris. Romane. Monsieur le comte, faut-il s'arrêter ici pour déjeuner? Le feltiègre attend vos ordres. Mademoiselle Natalia a faim et a la mal aux jambes, ajouta-t-il en souriant. Le général. Alors arrêtons, arrêtons, que diantre! Je ne veux pas tuer ma pauvre Natacha. Et puis, ajouta-t-il en riant, moi-même je ne serais pas fâché de manger un morceau et de me dégourdir les jambes. Ouvrez, feltiègre. La portière s'ouvrit, Natacha sauta à terre. Puis, elle et Romane aidèrent le général à descendre posément, et après lui Madame d'Abrovine, que Natacha avait embrassée et mise au courant. La seconde berline, de laquelle sortaient des voix confuses entremêlées de rire, se vida également de son contenu. Natacha les interrogea sur leur nuit. Ils racontèrent leur bataille d'oreiller, dirent bonjour à leur mère, à leur oncle et à Madame d'Hérigny, et firent une invasion bruyante dans l'auberge, déjà prête à les recevoir. Madame d'Hérigny, en causant avec son mari, dont elle avait été préoccupée toute la nuit, apprit avec chagrin qu'il avait souffert du froid à la fin de la nuit, malgré châles et manteaux. D'Hérigny plaisanta de ses inquiétudes et assura que devant Sébastopol, il avait bien autrement souffert du froid. Madame d'Hérigny, avant de se rendre près de Madame d'Abrovine et de Natacha pour aider à leur toilette, trouva moyen de dire à l'oreille du général que d'Hérigny avait eu froid la nuit, mais qu'il ne voulait pas en parler. « Merci, ma bonne Madame d'Hérigny, dit le général. Soyez tranquille pour la nuit qui vient. Il n'aura pas froid. Envoyez-moi le feltiègre. » Le feltiègre ne tarda pas à arriver. « Courez dans la ville, feltiègre, et achetez-moi un bon manteau de drap gris, bien chaud et bien grand. Payez ce que vous voudrez, le prix n'y fait rien. » Au bout d'une demi-heure, le feltiègre revenait avec un manteau de drap gris, doublé de renard blanc et de taille à envelopper le général lui-même. « Combien ? Dit le général. « 500 roubles, répondit avec hésitation le feltiègre, qui l'avait eu pour 300. « D'où vient-il ? D'un juif qui l'a acheté il y a 3 ans, à un Polonais envoyé en Sibérie. « Tenez, voilà 600 roubles. Payez et gardez le reste. » Il y avait 3 quarts d'heure que chacun procédait à sa toilette et prenait un peu d'exercice, lorsque le feltiègre et d'Hérigny apportèrent dans le salon, où se tenait le général, du thé, du café, du pain, des calaches, du beurre et une jatte de crème. On attendit que le général et Madame d'Abreville fussent à table pour prendre chacun sa place et sa tasse. La consommation fut effrayante. La nuit avait si bien aiguisé les appétits que d'Hérigny ne pouvait suffire au renouvellement des assiettes et des tasses vides et qu'il dut appeler sa femme pour l'aider. Ils allèrent manger à leur tour avec Jacques et Paul. Et quand les repas furent terminés, le feltiègre alla faire atteler. « Jackson, mon ami, dit le général, je veux faire une surprise à d'Hérigny. Prenez ce manteau et mettez-le sur le siège de la voiture. » Jackson s'approcha du canapé où était le manteau et voulut le prendre. Mais à peine l'eut-il regardé, qu'il pâlit, chancela et tomba sur le canapé. Le général seul s'aperçut de ce saisissement. « Quoi ? Qu'est-ce, mon ami Romane, mon ami, réponds, je t'en supplie, qu'as-tu ? C'est mon manteau que j'ai vendu en passant ici, prisonnier, enchaîné, forçat. L'effroi était passé. Je l'ai vendu à un juif, ajouta à voix basse Romane, encore tremblant d'émotion à ce nouveau souvenir de son passage. Remets-toi, courage, mon ami. Si on te voyait ainsi ému, la curiosité serait excitée. » Romane serra la main de son ami, qui l'aida à se relever. En prenant le manteau, il faillit le laisser échapper. Craignant d'avoir été vu par les enfants, qui jouaient au bout du salon, il leva les yeux et rencontra le regard inquiet et triste de Natacha, qui l'examinait depuis longtemps. La pâleur de Romane devint livide. Natacha s'approcha de lui, prit et serra sa main glacée. « Mon cher monsieur Jackson, dit-elle à voix basse, vous êtes inquiet. Vous craignez que je ne parle, que je n'interroge. Vous avez un secret pénible. Je le devine enfin. Mais soyez sans inquiétude. Jamais je ne laisserai échapper un mot qui puisse vous compromettre. Cher enfant, Vous avez toute ma reconnaissante amitié et toute mon estime, répondit de même Romane. Le général la serra dans ses bras. Partons, dit-il. Allons, vous autres grands garçons, venez aider notre ami Jackson à porter ce grand manteau. Les enfants se jetèrent sur ce manteau et le traînèrent, plus qu'ils ne le portèrent, jusqu'à la voiture. Tenez, mon ami, dit le général à Derigny, voilà de quoi vous réchauffer la nuit qui vient. Mon général, vous êtes trop bon, et ma femme est une indiscrète, répondit Derigny en souriant. Et il salua respectueusement le général, en menaçant sa femme du doigt. Le voyage continua gaiement et heureusement jusqu'à la frontière, où les formalités d'usage s'accomplirent promptement et facilement, grâce à l'intervention du feltiègre, qui devait recevoir sa paye quand la frontière serait franchie. La générosité du général dépassa ses espérances. Le passeport anglais, non visé, de Jackson, aurait souffert quelques difficultés sans les ordres et les menaces du feltiègre. C'est pourquoi la bourse du général s'était ouverte si largement pour lui. Au premier moment qui suivirent le passage de la frontière, personne dans la première berline ne dit un mot ni ne bougea. Mais quand Romane et le général furent bien assurés de l'absence de tout danger, le général tendit la main à son jeune ami. « Sauvé, mon enfant, sauvé !» dit-il avec un accent pénétré. « Cher et respectable ami, dit Romane en se jetant dans les bras du général, qui le serrait contre son cœur et qui essuyait ses yeux humides. « Cher comte, cher ami !» reprit Romane, en se rejetant à la place, le visage baigné de larmes. « Pardonnez, oh pardonnez-moi ces larmes indignes d'un homme. Mais j'ai trop souffert pendant ce voyage. Trop, trop, je suis à bout de force. » Madame d'Abreuville serrait aussi la main de Romane et pleurait. Natacha, stupéfaite, regardait, écoutait et ne comprenait pas. « Maman, dit-elle, maman, qu'est-ce? Pourquoi pleurez-vous? Qu'est-il arrivé à ce pauvre monsieur Jackson ?»« Pauvre, dites heureux comme un roi, ma chère, excellente enfant !» s'écria Romane en serrant le bras de Natacha à la faire crier. « Pardon, pardon, ma chère demoiselle, je ne sais plus ce que je dis, ce que je fais. Pensez donc, ne plus avoir en perspective cette Sibérie, enfer des vivants, ne plus avoir d'inquiétude pour vous tous que j'aime et que je vénère, me trouver en sûreté, et avec vous, près de vous, libre, libre, plus de Jackson, plus d'Angleterre, la Pologne, ma mère, ma sainte, ma catholique patrie. Comprenez-vous ma joie, mon bonheur? Cher enfant, vous qui êtes si bonne, réjouissez-vous avec moi. » La surprise de Natacha redoublait. Ses grands yeux, démesurément ouverts, se portaient alternativement sur Romane, sur sa mère, sur son oncle. « Polonais, dit-elle enfin, Polonais, vous, Polonais, vous qui vous fâchiez quand on vous appelait Polonais ?»« Je ne me fâchais pas, mademoiselle, je tremblais d'être découvert, et votre pitié pour mes chers compatriotes m'attendrissait jusqu'au fond de l'âme. » « Je ne comprends pas très bien, mais je suis contente que vous soyez Polonais et catholique. C'est une peine pour moi de vous croire anglais et protestant. » Le général. « Tu vas comprendre en deux mots, ma Natacha chérie. Je te présente mon ami, mon ancien aide-de-camp en Circassie, mon sauveur dans un rude combat, le prince Roman Tacharski, échappé de Sibérie, où il travaillait aux mines depuis 2 ans, accusé d'avoir conspiré pour la Pologne contre la Russie. » Natacha sauta de dessus sa banquette, fixa des yeux étonnés sur le prince Pajarski, qui les voyait se remplir de larmes. Puis elle se détourna, cacha son visage dans ses mains et éclata en sanglots. « Natacha, mon enfant !» dit la mère en l'attirant dans ses bras. « Calme-toi, pourquoi ces larmes, ces sanglots ?»« Oh, maman, maman, ce pauvre homme, ce pauvre prince, comme il a souffert. C'est horrible, horrible. Et moi, je le traitais si familièrement. J'ai dû le faire souffrir bien des fois. » Romane. « Vous, cher enfant, vous avez été ma principale joie, ma plus grande consolation. » « Vraiment ? » dit Natacha en relevant la tête et en le regardant d'un air joyeux. « Je vous remercie de me le dire, et je suis bien contente d'avoir un peu adouci votre position. » Et ses larmes recommencèrent à couler. le général. « Ne pleure plus, ma Natacha. Le voilà heureux, tu vois bien. Et nous aussi, nous sommes tous libres et heureux. » Après quelque temps donné aux émotions de ce grand événement, chacun reprit son calme, et Natacha demanda au prince Roman des détails sur son arrestation, sa condamnation, ses souffrances en Sibérie et sa fuite. Pendant que ces événements s'expliquent, nous retournerons à Gromyline et nous ferons une visite à Madame Papovski.